Le colloque du domaine des sciences sociales, consacré au 150e anniversaire du coulage de Sherman, navire d'agression américain, a eu lieu le 31 août au Palais des sciences et techniques à Pyongyang. Y ont pris part les officiels, enseignants, chercheurs, conférenciers, journalistes et rédacteurs des domaines de la science, de l'enseignement, de la presse parlée et écrite et des secteurs chargés de l'entretien des hauts faits révolutionnaires et de la protection du patrimoine national. Il y a eu les interventions sous le titre « L'incursion du Sherman, navire d'agression américain, est une invasion armée bandiste selon la politique d'agression américaine envers la Corée », « La lutte patriotique des militaires et civils de la forteresse de Pyongyang qui ont repoussé l'invasion du Sherman, navire d'agression américain », « L'histoire de la confrontation coréo-américaine commencée par l'invasion du Sherman, navire d'agression américain, est couronnée par les victoires successives du peuple coréen » et « Le retrait de la politique d'austérité américaine envers la Corée est la condition fondamentale pour la paix dans la péninsule coréenne et en Asie nord-est. »